On se souviendra que le collier porté autour du cou par les Gaulois s'appelait torque. Nous sommes en 333 avant notre ère. Titus Manlius appartenait à l'une des plus nobles familles de Rome. Il reçut le surnom de Torquatus à cause d'un collier d'or pris sur un ennemi qu'il avait terrassé. Le portrait d'adversaire de Manlius, sa race, sa taille gigantesque, ses insolentes provocations, les circonstances du combat, tous ces détails sont décrits au premier livre des annales de Quintus Claudius dans un style d'une pureté et d'une clarté remarquable. Je citerai dans son entier la narration de Quintus Claudius. Alors, un Gaulois s'avança, le corps nu, orné de bracelets et d'un collier, n'ayant pour arme qu'un bouclier et deux épées. Sa force, sa taille extraordinaire, sa jeunesse, son courage, le distinguaient tous ses compagnons. Au plus fort de la mêlée, lorsque les deux armées se battaient avec fureur, de la main, il fait signe de suspendre le combat. On s'arrête. On écoute en silence. Le Gaulois crie d'une voix formidable que si quelqu'un veut se mesurer avec lui, il peut s'avancer. Personne n'osait le faire, à cause de la taille gigantesque, de l'aspect horrible du Gaulois. Alors, il éclate de rire, il tire la langue aux Romains. À cette vue, Titus Manlius, jeune homme d'une noble naissance, s'indigne qu'un si sanglant outrage soit fait à son pays, sans qu'il se trouve au milieu d'une nombreuse armée un seul homme pour le venger. Il marche donc aux barbares, car il ne voulait pas souffrir que la valeur romaine fût honteusement souillée par un Gaulois. Armé d'un bouclier de fantassin et d'une épée espagnole, il alla se placer devant son adversaire. Leur rencontre eut lieu sur le pont, à la vue des deux armées tremblantes sur le sort de chacun d'eux. Ils étaient, comme je l'ai dit, en présence. Le Gaulois, selon la coutume de sa nation, tenant son bouclier en avant, attendait son ennemi. Manlius, mettant sa confiance dans son courage plutôt que dans son adresse, frappe de son bouclier le bouclier du barbare, qu'il fait chanceler. Tandis que le Gaulois cherche à reprendre sa première position, Manlius frappe encore de son bouclier le bouclier du Gaulois, qui est une seconde fois ébranlé. Aussitôt, le Romain se glisse sous sa longue épée gauloise et de son glaive espagnol, il lui perce la poitrine. Et aussitôt, d'un second coup, le blesse à l'épaule droite. Il le presse de manière à ne pas lui laisser l'espace pour frapper. Il redouble ses attaques jusqu'à ce qu'il ait terrassé le barbare. Alors, il lui tranche la tête et se saisit de son collier tout sanglant qu'il met à son cou. Telle fut l'origine du surnom de Torquatus qu'il reçut et transmit à sa postérité.